l'intérieur de moi. J'ai trop marché. Regarde-moi. Je ressemble à rien. J'ai trop marché. J'ai pas eu le temps d'aimer. Regarde-moi. J'ai mal aux pieds. Regarde-moi. J'ai trop tourné. Yeah.